Les petites histoires de Tell Me. Il n'y a pas d'alligator dans les égouts. C'est l'hiver. Le canal est en partie gelé et la nuit est complètement tombée. Une tortue glisse sur l'étendue d'eau figée comme un gros galet qui danse. C'est Jeanine Caillou, la tortue de Floride qui ne parle pas un mot d'américain. Une petite fille à couette l'avait gagnée au stand de pêche au canard d'une foire. Elle était installée dans un bac rose avec un palmier en plastique vert. Puis, elle s'était lassée et avait offert à Jeanine un billet pour l'attraction nautique du moment. Cuvette et chasse d'eau. Au début, Jeanine avait trouvé ça rigolo. Les éclaboussures, les virages serrés, l'eau dans le nez et son petit rire qui résonne dans ce grand tube. Mais on va pas se mentir. Jeanine trouve vite que les égouts, ça manque cruellement de palmiers en plastique. En plus, les petits trucs rudement appétissants qu'elle gobe sont bien souvent des vieux bouts de machins dégoûtants. Au fil des mois, elle apprivoise ce nouveau monde mais n'y trouve pas sa place. Même si elle se fait quelques amis, une carpe pas très bavarde, une perche un peu tendue et à l'occasion un furet qui se perd dans l'obscurité, eux ne restent jamais longtemps alors qu'elle, impuissante, reste coincée dans les égouts. La lumière du jour lui manque. Là-dessous, on trouve de tout, mais à tâtons et dans le noir. Lorsqu'elle doit remonter respirer, elle cherche du bout des pattes quelque chose qui fera office d'échelle. Elle tâtonne, une patoune après l'autre, et finit par poser les pattes sur un tuyau. Ce dernier se montre étrangement amical. Il s'enroule autour d'elle à lui faire craquer la carapace. C'est un anaconda échappé d'un magasin d'animaux exotiques. Jeanine Caillou avale péniblement sa salive lorsque ce dernier lui fait face avec ses yeux jaunes. « Donc tu n'es pas du tout un tuyau !» Le serpent colle son museau sur celui de la tortue et lui chatouille les narines d'un coup de langue. Blanche comme un linge, elle rit jaune. « Fichtre de bigre, ça m'ennuie un peu de finir comme ça !» Smack ! Un bisou claque comme un fouet humide sur le front calleux de la petite tortue. Cette dernière, qui se voyait déjà engloutie comme un petit peton dans une chaussette, ouvre de grands yeux étonnés. L'anaconda la regarde en souriant. « Oh lolo, tu m'as fait une peur bleue !»« Ah, moi j'aurais dit plutôt verte et de peur !» Smooch ! Un deuxième bisou tonitruant résonne dans les galeries étroites des égouts. « Enchanté, je m'appelle Poutou qui pète. Et toi ? Tu es ?» Toute retournée, et pour une tortue ce n'est pas rien, elle répond « Je m'appelle Jeanine Caillou ». Le serpent lui sourit de toute sa myriade de dents blanches et tranchantes. On remonte pour y voir plus clair. Smack ! Avec plaisir, mais tu pourrais arrêter de me faire des bisous, s'il te plaît ? Jeanine fait la grimace. Ses câlins humides, qu'elle n'a pas demandé, c'est très gênant. Poutou qui pète ouvre de grands yeux étonnés. Il n'a jamais imaginé que cela puisse poser problème. On ne lui a jamais rien dit. « T'aimes pas les bisous ?»« Si, mais on se connaît pas assez pour ça. Pourquoi ?» La tortue lui explique alors qu'il faut être très copain pour se permettre ces gestes d'affection. Certains aiment bien, d'autres pas du tout, et certains détestent les bisous. L'important, c'est que l'on soit sur la même longueur d'onde. Il faut prendre le temps de devenir proche. Poutou est embarrassé. Il a envie de se faire pardonner, mais d'habitude, pour ça, il fait des bisous. S'il avait des doigts, il les tordrait de stress. Devant sa mine déconfite, Jeanine lui sourit avec bienveillance. Il a l'air d'un bon petit gars. À bien y regarder, Poutou qui pète a davantage l'air d'une grande guimauve à la pistache que d'un dangereux prédateur. Le serpent les fait remonter à la surface en pensant à ce que vient de lui expliquer Jeanine. Cette tortue n'est pas une tortue comme une autre. Jeanine en verlan, ça fait ninja. Quand on a une tortue vivant dans les égouts, un surnom pareil, ça en jette. Jeanine le tire de ses pensées. Ça te dirait de changer d'air ? Aller là où l'eau est moins verte ? Un air sauvage passe dans les yeux de Jeanine, comme un appel à la nature. Elle est déterminée à ne pas finir ses jours dans une eau où flotte du plastique. Tu n'aimes pas ta vie si ? Non. Pour tout dire, je déteste vivre dans cette eau froide qui sent la tartiflette pas fraîche. Je suis faite pour la chaleur et le soleil. N'en parle pas. Je suis pareil. Mais comment faire ? Dans les égouts, j'ai rencontré quelqu'un qui peut nous sortir d'ici. Mais il a besoin d'un truc appelé burger. Et là-dessous, ça nage pas à tous les coins de tunnel. Je connais la surface. Je dois pouvoir te trouver ça. Formidable. On se retrouve au dernier pont avant l'écluse rouillée, dans une heure. Jeannine Caillou laisse partir Poutouquipette en se disant qu'elle a rudement de la chance d'avoir rencontré cette grande saucisse bisouilleuse. Comme quoi, la première impression n'est pas toujours la bonne. L'anaconda prend les choses en main, et comme il n'en a pas, demain, c'est dire les efforts qu'il déploie. Il va dans l'arrière-cour d'un fast-food et attend que les hommes fassent du gâchis. La poubelle se remplit de nourriture en pagaille. Il attrape un plateau, et au prix de nombreuses contorsions et d'ingénieux entortillages, Poutou accomplit sa mission avant de retrouver la tortue de Floride à l'heure dite. Il lui confie le tout, qu'elle fait disparaître illico, dans sa carapace. Ils attendent ensuite l'arrivée de l'ami de Jeannine. Un furet pointe sa bouille masquée dessous le pont et la tête à l'envers entame la conversation comme si de rien n'était. « Vous devinerez jamais ce que j'ai vu! Un pigeon qui faisait du surf sur le toit d'un taxi et un chat qui poursuivait des rats en patin à voile !» Jeannine sourit. Il court le furet, raconte toujours des histoires incroyables. Dans une cascade qui n'a pas l'air maîtrisée du tout, le furet descend du pont et de sa démarche de chenille trottinante les rejoint. Dubitatif, il observe l'anaconda comme s'il découvrait un grand traversin vert doué de paroles. La curiosité l'emporte sur la prudence, il s'approche. Smack ! Hé ! Tu dégaines vite les bisous, dis donc ! Désolé, c'est le stress. Il se tourne vers Jeannine. Tranquille, Émile, ami reptile ! Je gère Fougère, cher mammifère. Bon, j'ai trouvé un passeur pour nous faire traverser. Il s'installe pour parler sérieusement. Poutou fait office de banc sur lequel Jeannine et Ilcourt posent leurs petits popotins. L'heure est grave. Ce soir, ils prennent le départ pour une nouvelle vie. Si tout se passe bien, Jeannine va enfin découvrir la Floride. Mais pour ça, il faut d'abord traverser les tourbillons de la nuit éternelle. Une rivière souterraine, infestée de péniches écrabouilleuses, de chauves-souris vampires, de blattes tueuses et d'un alligator affamé. Personne n'en est jamais ressorti vivant. L'ami du furet est censé pouvoir les guider de l'autre côté en toute sécurité. C'est un ragondin très urbain, amateur de burgers. Vous avez ce qu'il faut. Deux menus gras-gras gros-gros, avec des frites et un cheese carton sans sauce. Parfait. Mettons-nous en route. Jeannine et Ilcourt font du snakeboard, debout sur Poutou qui fonce ventre à terre. Ce qui en soi n'est pas extraordinaire pour un serpent. Arrivés devant l'entrée béante du souterrain, les trois compères s'arrêtent, un peu inquiets. L'ouverture ressemble à une bouche de monstre qui ne s'est jamais lavé les dents, ou alors avec un tournevis. Tout est calme, reposé, on entend des clochettes tintinabuler. C'est Grelot, le passeur ragondin. Il remonte le canal à la pointe d'un V formé à la surface de l'eau. Une fois arrivé à la hauteur du trio, il monte sur la berge et les salue d'un hochement de tête. Cling-cling. Grelot ne parle pas. Il a un grelot coincé dans la gorge qui l'en empêche. Il l'avalait un jour où il nageait la bouche ouverte. Cela ne semble pourtant pas empêcher Ilcourt de le comprendre parfaitement. Bonsoir, Grelot. On est paré pour la grande traversée. Cling-cling. Évidemment. Pour qui tu nous prends? Caillou. Sors les burgers. Jeannine disparaît dans sa carapace, elle bidouille, fouille, farfouille et ressort avec le plateau sur lequel sont posées deux boîtes en carton à peine tachées contenant deux hamburgers gras, des frites molles et un sandwich emballé dans du papier moche. Grelot s'empare du plateau et se dandine jusqu'à la berge. Il le pose à la surface de l'eau et le pousse doucement vers le milieu du canal. Il court, se penche vers le ragondin. C'était pas pour toi les burgers ? Gling gling. Comment ça, il est plus calme le ventre plein? De qui tu parles d'ailleurs? Grelot montre le plateau flottant. Quelque chose se dirige vers le morceau de plastique en troublant l'onde à sa surface. Un sous-marin dans le canal? Des vélos abandonnés, des vieux pneus, du plastique à gogo et des poissons pas très en forme, oui, mais un submersible, c'est du jamais vu. Tout à coup, deux grosses mâchoires claquent sur le repas gratuit. Les trois voyageurs sursautent. Un crocodile blanc fait surface. Il roule un œil dans leur direction, nage vers eux et pose sa grosse tête sur la berge. Poutou, Jeannine et Ilcourt sont pétrifiés de peur. Bonjour, c'est vous les courageux voyageurs qui allez m'escorter à travers le tunnel qui fiche la trouille? Enchanté, je m'appelle, n'en parlons plus. Le crocodile albinos les considère comme des compagnons de voyage et pas des snacks pour combler un petit creux. À cette révélation, tout le monde se détend. C'est nous qui vous escortons? Oui, on ne sait pas trop ce qui traîne dans ce tunnel. Je serai plus rassuré avec vous. Alors ça, un gros lézard comme vous, j'aurais juré que vous n'auriez peur de rien. Vous voulez un bisou? Non merci, peur de rien. Vous rigolez? Il paraît qu'il y a un alligator là-dessous. Vous savez à quoi ça ressemble? Non, pas vraiment. Et vous? Ah ben, moi non plus, mais ça a l'air terrifiant. Et vous? Vous êtes quoi comme genre de bestiole? Un crocodile du Nil. Ah? Vous avez pas tous disparu? N'en parlons plus. Oui. On se met en route? N'en parlons plus embarque les trois voyageurs sur son dos. Ils font leurs adieux à Grelot en lui promettant de lui écrire une carte sitôt arrivée et s'enfoncent dans les ténèbres. Durant des mois, personne ne sut ce qui leur arriva. On présagea du pire. Puis un jour, Grelot reçut une carte postale qui disait « Le voyage par-delà les eaux vives et salées n'ont pas été de tout repos, mais nous sommes bien arrivés en Floride. Poutou et N'en parlons plus passent leur temps dans l'eau chaude et cristalline. Ils courent bronze sur la plage et Janine apprend enfin l'américain. Merci Grelot. Bise. » C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Mathieu Jeunel et racontée par Arnaud Guillou. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur telming.com. T-A-L-E-M-I-N-G.com. À la semaine prochaine!